Psaume 42. Machile des enfants de Corée, donné au maître chantre. Comme le cerf brame après le courant des eaux, ainsi mon âme soupire ardemment après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort, et vivant. Ô, quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Mes larmes m'ont été au lieu de pain, jour et nuit, quand on me disait chaque jour, où est ton Dieu? Je rappelais ces choses dans mon souvenir, et je m'en entretenais en moi-même, savoir, que je marchais en la troupe, et que je m'en allais tout doucement en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu, et qu'une grande multitude de gens sautaient alors de joie. Mon âme, pourquoi t'as battu, et pourquoi frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, son regard est la délivrance même. Mon Dieu, mon âme est abattue en moi-même, parce qu'il me souvient de toi depuis la région du Jourdain, et de celle des Herméniens, et de la montagne de Mitchar. Un abîme appelle un autre abîme au son de tes canaux, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. L'Éternel mandera de jour sa gratuité, et son cantique sera de nuit avec moi, et je ferai requête au Dieu fort, qui est ma vie. Je dirai au Dieu fort qui est mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marcherai-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Mes adversaires m'ont fait outrage, ça a été une épée dans mes os, quand ils m'ont dit chaque jour, où est ton Dieu? Mon âme, pourquoi t'as battu, et pourquoi frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est ma délivrance et mon Dieu.